des paroles en français, c'est ma vie d'âge. J'essaie de ma voix, habine, trop humaine, les blagues. Ici, y'a pas de chance, y'a même pas d'éclipse. Le pouvoir reste la politique égale l'apocalypse. Et puisque c'est comme ça, tout est relatif. Si je reste, je crève de ces violentes. Je fais mon chemin tout seul à pied. Je serai pas sans papier, ni SDF sans palier. Faut pas t'étonner si tout le monde est comme moi. L'argent fait pas le bonheur chez nous, l'argent fait la loi. Même l'argent à l'aura, tu verras notre passé. Je peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui s'est passé. Tant de haine, tant de magouilles. Le peuple tombe, la mort partout, patrouille. Il faut que je me débrouille, j'assure mon départ. Et là, je suis pas le seul jour, je suis le seul. On fiche le camp tous, direction coule les hijra. Attaque l'héna, y'a plus de fond, plus de fort. Le front dans le coffre fait la loi du plus fort. N'goule khaja, qui n'est pas un secret. Même si on se fait massacrer, bled n'a reste sacré. C'est ça qui crée la force des braves. Avec la foi comme armure et un pur dur sang d'arabe. Nos ancêtres nous enseignent à être et des maîtres et du spectre. Pour ça il faut mettre la gloire. Comme quitter la guine à la guillotine. Qui met d'air ben Khaldoun et Salah Abdin. À notre époque, Harba c'est la drogue. Algérie, Tunis ou Maroc, les jeunes coulent, gardent de ramener à des paris là. Je parle seul, je suis chez le Wahed là. شال من واحد راح شال من واحد ما ولا